Alors, nous vous proposons maintenant de passer à ce qu'on avait considéré comme... Ouf, je regarde les notes parce qu'on avait quand même un conducteur. Alors évidemment, c'est beaucoup plus souple et heureusement que le conducteur que l'on avait prévu. Je pense qu'il serait quand même intéressant de bien comprendre comment fonctionnaient vos collectifs, c'est-à-dire quels étaient... les moyens humains, mais aussi techniques, financiers, qui étaient les vôtres. Vous avez déjà évoqué qui était à l'origine de ces différents groupes, mais comment finalement se structuraient ces collectifs et comment ils fonctionnaient. Et je donne tout de suite la parole à Michel et Yvonne, d'abord. Effectivement, ça a été évoqué à plusieurs reprises, l'achat d'un porte-à-pack et puis après du matériel de montage coûtait assez cher. Hein. On a évoqué, ce serait intéressant de faire des recherches maintenant, mais moi j'avais évoqué l'idée que ça coûtait à peu près l'équivalent d'une voiture pour le porte-à-pack demi-pouce. Ça se trouvait d'occasion quand même, assez facilement. D'occasion Oui, pour les suivants. Pour les suivants, peut-être. Ça n'est pas quelqu'un. Mais non, parce que... D'occasion. Comment ? Deux chevaux d'occasion. C'est 14 000 francs de l'époque, voiture, apparemment. Tout, 404, il y a... Oui, ça... 1600 dollars. Il paraît que c'était moins cher aux États-Unis qu'en France. Voilà. Alors, ça demandait des moyens en matériel, et puis ça demandait des moyens en temps. On avait calculé rapidement que pour faire une minute de film monté, il fallait bien une ou deux journées de travail. Hein. C'est quelque chose d'énorme. Hein. Une minute de vidéo montée, oui. Hein. Comme et... c'est que des discours, c'est beaucoup de minutes d'ampoule. Tu verras que ce n'est pas que des discours dans ce qu'on faisait. Alors, non, que... Donc, en fait, à partir du moment où il fallait faire des analyses de roches, parce que quand on avait plusieurs heures de roches, il fallait les décrypter, faire un travail d'analyse, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement... C'est pour ça que la notion de collectif au niveau de Vidéo 00, a été très rapide. Hein. C'est-à-dire que tout le monde mettait la main à la pâte. Alors, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est ce qui excluait un petit peu le film d'auteur aussi. Hein. Si on avait dit « je suis le réalisateur », les autres disaient « débrouille-toi ». Quoi. Hein. Donc là, vous voyez, il y a eu une sorte de mutualisation comme ça aussi, du temps et des symboles. Alors, pour ce qui est de l'argent, pour ce qui est des ressources, Vidéo 00 a très vite créé une coopérative qui s'appelle l'A7 en 1976. Mais avant, il y avait une société de production de cinéma en laquelle on participait, etc. Et la coopérative A7 a très vite fait des films, par exemple pour les SCOP, pour des films institutionnels, etc. Ce qui permettait d'acquérir le matériel de montage et de l'utiliser pour... les activités plus libres, disons, plus créatrices. Hein. Donc, vous voyez, il y a eu cette espèce d'organisation qui a perduré, d'ailleurs, puisque en 80, il a fallu acquérir du 3/4 pouce, du BVU même, hein, qui était le matériel au-dessus. Et là, c'était plus une voiture, c'était deux ou trois voitures. Hein. Si. Le BVU coûtait deux BVU. C'était de l'ordre de 20 000 euros. On va pas faire la transition comme ça, mais c'était important. Donc en fait, on a fonctionné comme ça, et donc on a continué à faire des films. Alors pour l'Almagar, par exemple, on a commencé à les suivre en 1976. On a commencé avec eux en 1977. L'Almagar, c'était cette expérience d'urbanisme un peu novatrice. Et on a continué à travailler à Roubaix, oui. On a travaillé avec eux en 80 sur des problèmes d'emploi et sur des problèmes de... Après, de, et d'emploi. Puis ça, c'est l'Almagar, le noyau leader à l'Almagar s'est arrêté pour différentes raisons, donc on a arrêté. Mais notre coopérative a continué, puisque actuellement, elle emploie une vingtaine de personnes, et notamment sur l'habitat, la santé, etc. Et on fait des films plutôt qui touchent les problèmes de diffusion de connaissances, de formation, etc. Vous voyez, donc il y a eu une continuité comme ça, hein, avec l'Almagar Roubaix sur une quinzaine d'années quand même. Hein, donc c'était important. Hein, voilà, donc vous voyez, c'était à chaque fois des montages très complexes. Alors Yvonne travaillait au CNRS. Donc elle avait un peu plus de temps libre, et puis elle a pu équiper son institution, ça a donné lieu à des ensembles de montage aussi. Vous voyez, en fait, tout de suite, il y a eu une certaine complexité qui s'est installée. Hein. Dans la façon de faire. Entre le milieu professionnel, le milieu universitaire et le milieu militant, j'aime pas trop ce mot. On militait pas pour des causes, hein, ou pour un parti. Hein, y avait toute une démarche plutôt de diffusion de connaissances et de savoir-faire, autonome. Cela dit, Michel, tu écris quand même en 1973 dans Écran, dans le dossier qui est un des premiers dossiers conçus notamment par Guy Hendel, hein, qui s'appelle « Problèmes et perspectives de la vidéo militante ». Donc tu déclares en 1973 « Je conçois plutôt la fonction de la vidéo comme une activité seconde. D'abord, on est militant. » Donc tu emploies le terme à l'époque. Hein. En second lieu, on tourne des vidéogrammes sur les luttes auxquelles on participe. Ainsi, par exemple, pendant 2 ans, Yvonne n'a pas fait de vidéogramme sur les femmes, mais elle participait à des actions féministes dans le quartier. Donc le terme militant, en 73, vous l'employez quand oui, même. Oui, mais 73, mais rapide. Alors, oui, non, on ne devrait jamais écrire, finalement. Hein, mais oui, mais... militant, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner une doctrine, un parti, etc. Donc, en fait, il y avait de ça aussi. Enfin, c'est notre point de vue, hein, vous pouvez en avoir un différent. Mais c'était pas tout à fait ça, vous voyez. Il y a eu quelque chose de l'ordre de. Moi, je crois de plus universel, vous voyez. Et je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dire que dans toute cette époque riche des Lumières où des tas de gens travaillaient, étaient des militants, vous voyez, non, je pense que même dans Vidéa, c'est militant, enfin le film qu'on a vu, c'est militant, mais c'est à la fois quelque chose d'universel, vous voyez, et qui reste actuel, comme tu le disais, hein, c'est un problème de fond. On pourrait reprendre presque les termes, etc. Et on s'est beaucoup inscrit dans cette logique. Enfin, moi, je le ressens comme ça, je le vis comme ça. Hein, maintenant, voilà. Peut-être, Yvonne, tu pourrais expliciter, parce que c'est des choses que tu as notamment développées dans l'ouvrage que tu as écrit, « Communication et autonomie, audiovisuelle, technologie de l'information ». Et changement social, tu pourrais donc peut-être revenir sur la notion de groupe vidéo et quelles étaient selon toi, selon vous, les caractéristiques du groupe vidéo. Et le terme d'autonomie, justement, est récurrent. Je te laisse. Oui, le groupe vidéo est indépendant financièrement, autonome et choisit lui-même ses sujets. Voilà. Donc il n'est pas à la traîne d'un parti politique ou de... Ça, je le réaffirme. Peut-être, justement, Daniel, Jean-Paul, Anne-Marie, vous auriez des choses à dire sur la manière dont vous conceviez, justement, le groupe vidéo, comment fonctionnaient les vôtres, enfin, à travers les exemples de ceux que vous avez animé. Je suis très d'accord sur l'autonomie du groupe, mais pas du tout. Enfin, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, parce que chacun, comme vous disiez, a sa méthode. Bon, d'abord, je suis pas d'accord sur les prix du matériel. Nous, on a commencé avec un porte-à-pack. On montait chez des copains pendant longtemps. Et puis une fois, on a eu une commande de faire le projet, le portrait d'un professeur, et ça nous a permis d'acheter un matériel de montage assez simple en demi-pouce. Mais bon, tout ça, c'est que des questions de matériel. Sur la question du tournage, comme on n'était que deux ou trois et qu'on était sensiblement d'accord, je crois qu'on cherchait une singularité. On ne voulait pas du tout être généraliste. On cherchait une certaine singularité de ce qu'on tournait. Et aussi, comme... moi, j'avais une certaine habitude quand même, j'avais fait du montage. Je crois que je tournais pas des masses de documents parce que, je veux dire, moi, j'avais toujours l'idée que quand on tourne, il faut penser au montage après. Donc, ça se faisait pas comme ça, matériel, et montage, discuter après. Je crois qu'il y avait, on était moins, donc c'est plus facile d'être d'accord quand on est moins. Et puis, c'était par consensus, par discussion et... Il n'y avait pas ce... J'ai l'impression que la manière de fonctionner était très différente. À partir de quel moment est-ce que vous, finalement, vous dites que vous constituez un groupe vidéo, que vous lui donnez un nom, les Sans-Fleurs? Parce que tout à l'heure, vous disiez que finalement, bah forcément, Cerizet, ça s'est passé un peu comme ça, quoi. Vous tournez, Jean-Paul Fargier monte, mais... Ça ne constitue pas encore forcément l'idée d'un groupe qui s'appelle les Sans-Fleurs, ou est-ce que la notion de collectif était tellement dans l'air du temps que ça vient de suite ? J'ai bien signé un article dans la revue Femmes qui s'appelait, que j'avais écrit, qui était signé un groupe de femmes. Enfin, c'était un peu la mode de l'époque. Il y avait des groupes vidéo, donc on a dit on va faire un groupe vidéo. Ouais. Il y avait Vidéo 00, Vidéo Out déjà. Donc c'était, on allait monter chez les Loulous, oui. Qui eux apprenaient. On se connaissait et on se connaissait en tant que groupe. Donc, il fallait qu'on ait un nom de groupe. On ne peut pas dire Daniel et Jean-Paul, Fardet, Gégi. On était trois. On avait une copine qui était, voilà, qui venait du féminisme. Je l'avais rencontrée dans des groupes féministes. Je crois, je me demandais d'où elle venait, mais je pense qu'à un moment donné, elle vivait avec un mec de cinétique. Je ne crois pas. Bobol, mais... c'est pas lui. C'était pas la copine. Non, c'était une autre Bobol. Bon, alors, non, mais comment elle est arrivée là, Annie? Parce qu'au départ, c'était un couple. Faudrait lui c'était demander. Nous. C'était... Et elle, il faudrait la retrouver et lui demander comment elle est rentrée dans ce groupe. Mais elle est assurisée quand même. Oui, on entend sa voix d'ailleurs. Oui, on entend sa voix. Donc, on avait envie de. Daniel faisait des films, elle avait envie de continuer à en faire. Moi, j'avais envie aussi, j'avais essayé d'en faire, mais on tournait trop. Et là, ce que tu viens de dire, on tournait pas beaucoup, c'est vrai. Peut-être grâce à toi, on tournait pas beaucoup parce que tu avais une stratégie comme ça déjà du montage. Alors que dans les groupes vidéo, on enregistre, et après, très souvent, on monte pas. Et nous, tout ce qu'on a tourné, on l'a monté, on partait faire un film. Et après, on revenait voir les gens, on leur montrait les films. Plein de gens ont fait ça, hein, mais... Oui, ça, c'est général. Oui, mais oui, pense. On repartait... On repartait et on revenait avec le film. Voilà, et oui. Puis après, ils acceptaient ou pas le film, mais... Enfin, en général, ils l'acceptaient. Donc voilà, nous, on fonctionnait comme ça, en discutant entre nous. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Voilà. Et puis on a quand même, il y a une sorte de ligne, c'était les, comme tu disais, l'autogestion, parce que et les premières luttes écologiques. C'est oui. Pas par hasard qu'on s'est associé pour faire Erdeven Flamanville. Voilà. Mais c'est Annie qui allait. Moi oui. Je suis pas allé pas non plus. Annie Caro, hein, je sais pas si on a dit son nom. La troisième personne du groupe Les Sans-Fleurs, c'était Annie Caro, C-A-R-O. Oui. Je me rappelle que des paysans de Flamanville, là autour, hein, expliquaient qu'on leur donnait beaucoup d'argent pour qu'ils fassent des planchers chauffants pour les vaches. Oui. Et donc, nous, c'est un argument pour dire Voilà à quoi ça va servir les centrales nucléaires qu'on construit, c'est dépenser de l'électricité pour chauffer les pieds des vaches. Oui, ça vient à mémoriser. Mais c'est le premier film contre Flamanville qui a été fait par... Par Yvonne et... Yvonne et Annie. Et Annie et... Voilà. Et moi, Véronique, ma fille. Et qui nous accompagnait. Qui avait 8 ans. Qui avait 8 ans. Je pourrais peut-être vous redonner une précision, ce que vous écriviez, enfin ce que vous disiez en 76 à propos du nom des Sans-Fleurs. Vous expliquiez que vous étiez d'abord, vous vous appeliez Vidéo Doux. Ah oui, racontez peut-être, c'est voilà. Vrai que c'est quand même et assez... Et puis qu'ensuite, vous êtes passé aux Sans-Fleurs, parce que justement c'était... un refus du cinéma militant chiant, etc. Oui, il y avait ça aussi, mais les vidéos douces, c'est plus drôle que ça. C'est que vous avez tous entendu parler dernièrement de Charles Doux, qui était les poulets. Nous, on avait tourné à Pédernec, et c'était le père, je crois, qui était le possesseur de l'usine de poulets. Quand on est arrivé là sur place et on a dit on est Vidéo Doux, ça le faisait pas quoi. Donc Vidéo Patrouille. Pourquoi s'appelait Vidéo Doux? Ça y est, j'ai compris là, en voyant la chanson des filles. Oui, ils disent travailler doux. Pour nous c'est agréable, travailler pour nous c'est doux. Doux. Et après on s'est dit tiens on va s'appeler Vidéo Doux parce que on était pour la douceur. Aujourd'hui il y a la slow food, là c'est la soft machine. Bon. Il y avait l'idée de douceur, qu'on n'était pas pour les combats purs et durs, la castagne, un art de vivre. Pourtant, les Sans-Fleurs, après, c'était assez connoté quand même. Ouais. Oui. Mais on l'a pris au premier degré. Donc, ouais. On n'était pas assez. C'est Mao. On n'était pas assez Mao, on était Mao, on ne connaissait pas grand-chose, donc on ne savait pas que les Sans-Fleurs, c'était un mouvement. Pour démasquer les opportunistes. C'était que Sans-Fleurs s'épanouisse, et là, tout le monde faisait des poèmes, tout ça, et tous ceux qui n'étaient pas dans la ligne, en tol. Voilà, dans les camps. Ça, c'est le mouvement des Sans-Fleurs. Se dire, c'est naïf pour des maoïstes de dire vidéo Sans-Fleurs, parce que Sans-Fleurs, c'est un truc pervers de Mao pour démasquer ceux qui ne sont pas assez révolutionnaires. Voilà. Ouais. C'est lourd à porter parfois. Oui, alors, heureusement, vous voyez, vous ne le saviez pas. Jean-Paul, justement, comment s'articule, comment se lit vos rapports avec Cinétique et puis la vidéo, enfin, il y a quelque chose dans... La vidéo joue un rôle dans votre rupture avec Cinétique, d'une certaine façon. Oui, alors, à Cinétique, on a fait de la vidéo, mais on allait enregistrer des cinéastes, Robert Rocha, d'autres. Que sont devenus les bandes d'ailleurs. et là, j'ai eu une première sorte d'illumination quand Robert Rocha, je ne sais pas si je l'ai raconté la dernière fois, il nous a dit, on lui posait des questions pures et dures, là, cinétique, on était staliniens, nous, Mao Stade, et il nous a dit au bout d'un moment, mais arrêtez, comment on peut poser des questions aussi réactionnaire avec un appareil aussi révolutionnaire en montrant notre porte-à-pack, voilà. Et donc moi j'avais en quelque sorte j'étais un peu schizo là parce que j'avais d'un côté l'engagement à Cinétique où on avait éliminé tous les films de l'histoire du cinéma, il n'en restait que 3 ou 4 voilà. Ça comptait pas, c'était que Vertov. Et en France, il ne restait que 2 films, Méditerranée, film matérialiste, etc. Puis de l'autre côté, il y avait Daniel, qui était un art, Situ, tout ça. Donc il y a... Et puis, dès que j'ai commencé à faire de la vidéo, les copains de Cinétique m'ont dit, mais tu as viré Mao Spontex, quoi. Tu fais des films... spontanéiste, tu cours après les luttes, il faut diriger les luttes, pourquoi vous ne prenez pas la direction des luttes que vous allez finir. Au bout d'un moment, bon, j'ai quitté Cinétique pour continuer à faire de la vidéo, etc. Et d'autres choses. Voilà, bon, c'est un peu plus long, mais bon. Anne-Marie, est-ce que tu as des choses à dire justement sur cette notion toujours de groupe vidéo et sur des précisions sur le fonctionnement de Vidéa qui, quand même, là, faut le ressouligner, est vraiment le premier collectif vidéo non mixte, donc très lié au MLF. Oui, c'est ça. Le fonctionnement du MLF. Lié au MLF et nos informations, on les avait justement par les réunions et ensemble, on décidait... qu'est-ce qu'on va filmer, qu'est-ce qu'on va pas filmer. C'était vraiment collectif. Et bon, quant au matériel, j'ai dit très vite, enfin moi j'ai pas le souvenir que c'était hors de prix, mais bon, on a peut-être eu des occasions, peut-être qu'on avait racheté notre matériel. Donc on avait quand même deux unités portables, ce qui nous donnait pas mal d'autonomie. Donc on décidait, on fait ceci, on va filmer ça, parce qu'on en a entendu parler dans une réunion, parce que justement à ce café au hall, on en parlait. Et puis l'autre tandem allait filmer. On a beaucoup, beaucoup filmé en fait. Et le problème, c'est que ne reste que ce qui a été monté et sauvé en fait. Par le premier centre Simone de Beauvoir. Parce que quand on a arrêté en 76, je ne sais même pas où. Je crois que c'est Si qui a gardé les bancs. En tout cas, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas Catherine. Il y en avait à Monneuil, tout ce qui était à Monneuil. Tout ce qui est à Monneuil, et peut-être quelque part. Je ne sais pas. En fait, il y a eu, après, quand on s'est séparés, tout ça. Ce qu'on filmait, c'était du témoignage, c'était quelque chose de très ici et maintenant. On ne pensait absolument pas à ce qu'un jour ça passe à la postérité. Et ce qu'on on a monté finalement que ce qui nous semblait des événements forts. Il y a des tas de manifs qu'on a filmés qui n'ont jamais été montés, je ne sais pas ce que c'est dit. Ou comme je disais, le tribunal de Bruxelles, où là on était submergés. Il y a eu beaucoup de... C'est dommage, quoi. Beaucoup de pertes. Et peut-être, Anne-Marie, ce qui était monté, c'était en fait ce qui servait à faire connaître des luttes ailleurs et qui circulaient, en fait. Les manifestations, évidemment, c'était moins important de les faire circuler que des événements comme, je sais pas, les LIP ou même la conversation 4000 avec des Françaises. Oui. Ça resservait après dans discussions dans d'autres groupes qui étaient en cours d'ailleurs. C'est ça. Puis le fait que ça soit monté, c'était plus facile à faire circuler que d'envoyer des rushs un peu tournés à la volée, quoi. C'est bien justement de parler effectivement maintenant de la question de la diffusion, puisque votre mode d'action, votre mode d'intervention, il articule étroitement production et diffusion. Il ne s'agit pas simplement de tourner, il s'agit évidemment de diffuser et au cœur même des luttes qui sont en train de se développer. Et qu'est-ce qui vous conduit à créer, puisque vous êtes ici avec Carole et Paul Roussopoulos, les fondateurs du collectif de distribution vidéo Mon Œil, qu'est-ce qui vous conduit à créer ce collectif qui est fondé donc en décembre 1974 et qui commence à vraiment se développer finalement en 1975, du coup, évidemment. Est-ce que vous pourriez donc expliquer un peu l'origine du collectif Mon Œil ? Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. C'est lié évidemment à la pratique en amont des diffusions qui était quand même extrêmement lourde et compliquée. Alors, en fait, y a un couple, Marc et Marcel Moiroux, qui ont proposé de s'occuper de la diffusion. Ça les passionnait. Alors ça tombait bien parce que on avait nous énormément de, enfin pas énormément mais quand même des demandes et à chaque fois il fallait gérer, c'est-à-dire envoyer la bande, la récupérer, on faisait une petite location, hein, c'était pas bien important, mais enfin on la louait. Quand même, bon, et tout ça, ça commençait à nous déborder. Hein. Surtout que, faut le rappeler, on avait tous nos activités professionnelles. Hein. Alors, ils ont pris ça en charge. C'était des amis à Paul et Carole, je crois. Hein, donc, on a mutualisé ça. Hein, ils ont bien fait ça. Ils ont fait un système de, bah, de location avec un catalogue. À la poste. Avec un catalogue. Et puis, ils s'occupaient d'expédier, de rappeler que... Et rappeler les bandes, de les vérifier, de les... Voilà, donc ça a démarré comme ça. Hein. Et ça a fonctionné pendant... jusqu'en 82, a priori. 82, oui. Début 82. Hein, 82. Comment voilà. Ça se passait concrètement? Il y avait des contrats entre vous? Oui. Il y avait une... Non. Non. Non. Et la location était intégralement reversée au collectif, même. Je pense que. Un dédommagement pour leur. Enfin, personnellement, j'avoue que je m'en souviens plus. Non. On n'en faisait pas une source de revenus. Non, ce qui est sûr, il n'y avait pas de contrat. D'ailleurs, Vidéo 00, qui commençait à être un groupe important, donc. N'avait pas de statut non plus. On a toujours fonctionné, on l'expliquait, sans statut d'association, et ça a très bien fonctionné. Hein. Voilà, c'est et donc on pouvait pas passer de contrat. Par ailleurs, hein, les bandes n'appartenaient à personne finalement. Hein, voilà, je pense que à l'époque, il me semble que l'essentiel de la location aidait. Marcel. Hein. Non, mais eux, ils le faisaient de façon militante aussi. Oui, non, oui. Ça leur faisait un travail. Oui, oui. Alors, Marc est mort il y a 4 ans, et Marcel, ou plus peut-être, Marcel est mort cet été. J'étais en train d'écrire un article. Ah bon ? Oui, il est mort cet été. Fin juin ou début juillet, un peu ça. J'étais en train de faire un papier justement pour une revue sur les débuts de la vidéo et je voulais raconter mon œil. Et puis je cherche Moiroux, je tape sur Internet, et là je tombe sur un blog de quelqu'un qui fait la nécro de Marcel Moiroux. Quelqu'un qui s'appelle Blog. Laurent Bloch. Et donc je suis tombé sur toute une. Je ne connaissais pas ça. Je savais que c'était des militants, tout ça, mais il avait été un militant au moment de la guerre d'Algérie, tout ça, très important. Et même, il avait très jeune, été un militant dans la résistance, comme ça. Il a porté des colis, tout ça, il s'est fait arrêter par lui. C'était un courant chrétien social. Hein. Chrétien social, voilà. Et ils habitaient une petite maison près à 100 mètres ou 200 mètres des Roussopoulos. Donc ils se connaissaient peut-être comme ça, ils avaient dû aller à des diffusions. Oui, donc ils faisaient ça d'une façon, effectivement... Chez eux, ils stockaient les bandes. Je ne pense pas qu'ils pouvaient vivre du produit de la diffusion. Non. Mais bon, ça fonctionnait comme ça pendant 5 ans, effectivement. Hein. Mais il faut aussi, je pense, après je te donnerai juste la parole, Nadia, mais je pense que c'est important de préciser aussi que souvent, ils se déplaçaient eux-mêmes, parce qu'évidemment, pour montrer ces bandes, il fallait disposer du matériel. Alors bien sûr, dans la deuxième moitié des années 70, il y a de plus en plus de maisons des jeunes et de la culture, de maisons de la culture ou d'universités, ou de diverses institutions municipales, etc., qui ont pu acquérir du matériel, mais pendant la première moitié des années 70, c'est vraiment pas le cas. Donc, encore par la suite, eux-mêmes, en tout cas, c'est ce qu'ils m'avaient dit quand je les rencontrais, se déplaçaient avec le matériel. Donc, en l'occurrence, les frais de location couvraient aussi en partie le déplacement. Les groupes vidéo le faisaient aussi, hein. Oui, justement, c'est là où je pense qu'il faut être clair en termes de chronologie, c'est que la rupture, ce qui ne veut pas dire qu'après, vous ne vous déplaciez pas par vous-même, évidemment, mais le fait quand même que mon œil se crée, c'est que vous assumez moins par vous-même toutes les diffusions que vous faisiez auparavant et qui étaient quand même extrêmement lourdes. En tout cas, quand on lit vos témoignages de l'époque, c'est quand même assez impressionnant. C'est les temps héroïques de la vidéo brouette. Vous déplacez avec tout le matériel, auprès des personnes qui vous sollicitent, qui sollicitent la vision des bandes, donc des comités d'entreprise, citer les maisons des jeunes et de la culture, les universités, les maisons de la culture, etc. Carole Roussopoulos m'expliquait aussi que elle diffusait, j'imagine vous aussi, des bandes sur les marchés, notamment avec Brigitte Fontaine et Julie Dassin, parce que ça permettait que les gens affluent, et ensuite, hop, vidéo militante après avoir attiré les gens avec les chansons de Brigitte Fontaine, qui est quand même évidemment déjà très connue. Mais un terme qu'on retrouve aussi dans les textes, notamment sous la plume de Jean-Paul Farger, c'est celui de coup d'épingle. Moi, c'est une formule qui m'a marquée. Tu dis qu'il s'agit finalement de coup d'épingle dans un océan de doxa, que ces actions au début en vidéo. Quand on tient, dis-tu, donc ça c'est en 1978, tu dis, quand on tient des discours minoritaires, on croit à la vertu des coups d'épingle, donc tu parles de la vidéo, gaiement, surtout si l'on ne cherche pas à devenir majoritaire par coup d'État, mais seulement à changer deux ou trois choses dans 30 ou 300 têtes, puis deux ou trois autres encore dans quelques têtes de plus. Donc je pense que c'est effectivement important d'être clair en termes de chronologie et en termes d'ampleur ou d'impact de ces diffusions qui se font, là on le voit quand même très bien, devant évidemment des salles qui ne sont pas toujours le palace de 1000 personnes dont parlaient Anne Papillon et Jean-François Dars la dernière fois. Oui, alors oui, Nadia voulait. Excuse-moi, Nadia, en fait, Nadia Ringard, co-réalisatrice justement de Mazo et Miso vont en bateau. Devant la photo. C'était une question parce que je ne sais pas très bien comment fonctionnait mon œil par rapport au groupe que vous aviez constitué. Est-ce qu'il vous prenait tous les films? Oui, parce que c'était... Oui. Mon œil, c'était... C'est un jour, Paul et Carole qui ont dit on en a marre d'aller à la poste, de faire des paquets. Il y avait quand même pas mal de... Et on connaît deux personnes qui seraient d'accord de s'occuper de ça. Donc on s'est réunis, on les a vus, on a dit ok, je ne me rappelle plus de cette réunion. Mais donc pas de. On a cherché le nom, on a trouvé mon œil. Hein, pas de contrôle sur le contenu, parce que moi j'ai fait un film en 76 sur Ulrich Meinhof, et Marc Moiroux, que ça intéressait beaucoup, l'a regardé à nouveau et m'a proposé de le diffuser. Mais j'ai quand même eu l'impression que, comme je faisais pas. Enfin, je faisais partie de groupe, mais oui, ça, c'est une autre histoire. Mais elle avait quand même choisi de diffuser celui-là et donc d'aller à la poste à ma place. C'est voilà, bien. Non, mais tu faisais partie de Mazo et Miso. Tu arrives, tu montes ta dernière truc, ils nous mettent dans le catalogue. Il n'y a jamais eu de refus. Il n'y a jamais eu de refus. En même temps, moi, c'était un choix, si tu veux. Alors, autre chose. Moi, j'étais le président de mon œil sur le papier. Delphine Seyrig était vice-présidente. Tout le monde voulait qu'elle soit présidente, mais elle a dit non, ça, elle a bien fait, parce qu'après, dès qu'il y a eu un problème avec le MLF d'Antoinette Fouque, parce que vous aviez fait, je ne sais pas si toi tu y étais, mais une bande contre la librairie des femmes, il y a eu un procès, et c'était un procès contre moi, parce que sur le papier, j'étais responsable. C'était le procès des femmes contre Farger. Surtout qu'après, Carole, Delphine... Yo me disait, tu la boucles, c'est pas ton affaire. Et bon, il y a eu ce procès qu'on a gagné dans un premier temps, et puis qu'on a perdu après. Et après, il y avait partout. On avait comme avocat. On avait comme avocat Dumas et les femmes avaient. Kiejmal. Ça a été un truc un peu mondain, mais bon. Mais mon œil, c'est par ce truc là qu'il a. On a parlé un peu de mon œil, c'était vraiment un instrument très, très pratique. Il y avait beaucoup de groupes après. Charlotte Silvera, par exemple, vous vous rappelez. Elle avait, je ne sais pas comment s'appelait son groupe. Vidéo débat. Avec son copain. Créé avec Hervé Lyotard Vogue en 1979. C'est l'un des derniers groupes vidéo constitué vraiment sur le modèle finalement quand même du fonctionnement que vous aviez un peu créé. Enfin, parce qu'après, ce ne sera plus les mêmes modalités, les mêmes modes de fonctionnement. Et elle était toute jeune étudiante à Vincennes, à l'université de Vincennes. Elle avait une vingtaine d'années quand elle a créé Vidéo Débat. Donc elle était, si je puis me permettre, plus jeune. Elle était au département cinéma. C'était une grande gueule. Alors, peut-être. Tu qui voulait dire quelque chose. Oui, moi ce que je voudrais dire, ce qui me frappe beaucoup dans tout ce que vous évoquez, mais aussi que je peux rapprocher de ce qu'on a vécu au début de Cinémaction, c'est l'espèce d'innocence juridique qu'on avait, on pouvait être attrapé justement comme tu l'évoques, Jean-Paul. Oui, parce que là, on était une association en 1901. Voilà. Oui, non mais... Le fait que on se posait pas la question des structures et des lois. Et s'il y avait des lois, on les refusait, comme celle du dépôt légal. Avec les résultats qu'on a vus. Quand j'ai évoqué avec des anciens lycéens école garde triage, donc on a tourné grâce à Vidéo 00. Et à Marie-Thérèse Martinelli, qui a essaimé à Toulouse, ils m'ont dit, puisque l'une d'entre elles est devenue professeure des écoles, ils m'ont dit, mais tu n'avais pas demandé d'autorisation ? Je dis, non. Non, absolument pas, c'est quelque chose qui ne nous avait pas du tout effleuré. D'autant que, grâce à Vidéo 00, on avait tourné d'une manière complètement extérieure au lycée. On achetait, Marie-Thérèse et moi, les bandes, et Vidéo 00 ne nous a pas demandé de participation pour la prestation du matériel ou la salle de montage. Et c'est vrai qu'on ne se posait pas ces questions-là. Et maintenant, c'est autre chose. Enfin, si je prends le cas de la presse, disons des publications, avant Cinémaction, il y avait 100 photos par numéro. Maintenant, après pas mal de problèmes, on ne publie que celles pour lesquelles on a les autorisations express de publier, ce qui est beaucoup moins agréable. Mais je veux dire, là vraiment, on mesure, quand vous dites que Vidéo 00 n'avait pas de structure juridique, qu'il n'y avait pas de contrat entre les collectifs et Monel, on mesure vraiment l'évolution historique vers davantage de juridique, davantage de contraintes, etc. Mais... Non, mais ça, c'était, je pense que c'était une réaction à 68. Parce qu'avant 68, il ne faut pas oublier que pour projeter même dans un lycée, oui, il fallait l'autorisation du CNC, qu'il y a eu beaucoup de révoltes lycéennes parce que tel film était interdit. Donc, après 68, il y a eu une libération par rapport à toutes ces autorisations. Non, mais maintenant, on est dans un retour en arrière, certains sont. Lycée, justement, je disais que école garde triage, on l'a tourné à l'extérieur du lycée. Mmh. Oui, alors, effectivement, on était. Mais en même temps, tout ça était porteur. Il faut voir que les censures, elles étaient de toutes sortes. On ne pouvait pas passer même un film 16 mm. Ne pouvait pas passer à la télévision. Même Alma Future, qui a donné lieu à un film 16 mm, etc., avait été demandé par FR3 à Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les techniciens on s'y sont opposés parce qu'on empiétait sur leur travail. Vous voyez ? Dans les années 70, il y avait pratiquement pas de cinéma de ce type. Tout était verrouillé. Bon, les syndicats, par exemple, sur la bande de Buget, on raconte ça parce que c'est assez drôle, mais on voit, ça a été un Woodstock, Buget. Hein, c'était la première manifestation un petit peu écolo, anti-nucléaire, etc. Woodstock, et il y avait des gens nus, et on les voit sur la bande, etc. Ça fait une histoire, et est-ce qu'on pouvait la diffuser dans les comités d'entreprise ? La réponse a été des syndicats, oh là là, et on voit des gens nus, qu'est-ce qu'on va dire ? De quels syndicats, moi j'ai envie de te demander ? Tous. Comité d'entreprise, compris la CFDT. Vous voyez, en fait, on avait l'impression de, vous voyez, de labourer un champ plein de contraintes, de censure. Il y avait très peu de films directs, enfin en cinéma 16 mm, de films directs, il y avait les films de Jean-Michel Carrière, enfin, il y avait un certain nombre de films, mais qui étaient pionniers aussi. Hein. Vous voyez, mais tout le monde luttait dans ce sens. Mais en même temps, c'était porteur. Parce que quand on diffusait, la photo le montre bien, tout le monde regardait, écoutait, était concentré, etc. Les messages portaient, on en reparlait, etc. Oui. On n'était pas en quelque sorte, c'était modeste, mais on n'était pas noyé. Oui. Aussitôt, la presse en parlait. Vous voyez, il y avait cette espèce de milieu porteur. Oui. Hein. Gilles Dinman. Nous, on était dans un collectif qui s'appelait Cinéma Libre. On distribuait des films 16 mm à l'époque. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que on ne pouvait pas montrer un film 16 mm sans son visa de censure. Point. Oui. C'est-à-dire que tout le cinéma militant qui choisissait de ne pas avoir de visa de censure était interdit de projection. Moi, je me souviens d'avoir fait des projections clandestines à l'université de Poitiers en inventant qu'on avait une boîte, si jamais les flics arrivaient, qui était vide, où on pouvait passer la boîte aux flics pour pouvoir sortir la copie, etc. C'était ça la réalité. Oui. Et je me demande d'ailleurs si le fait de tourner en vidéo ne rentrait pas dans un vice stratégique. C'était une stratégie pour éviter la censure. Ça fabriquait une liberté de... Ah ben non, mais on était conscient que c'était un vide juridique, c'est vrai. Je pense peut-être qu'il faudra revenir à une prochaine séance, parce que là, on... Non, oui, oui, non, mais effectivement, c'est une question importante. C'est une question essentielle sur laquelle il faudra revenir. Et Anne Papillot et Jean-François Darst rappelaient aussi, lors d'un des entretiens préparatoires, qu'en plus, pour le 16 mm, il y avait les laboratoires qui filaient les négatifs, éventuellement au RG, ou qu'il y avait des circulations... ou plutôt une copie en l'occurrence, c'est-à-dire plutôt qu'un négatif, qui avait comme ça, effectivement par le biais des films militants aussi, éventuellement un fichage qui pouvait se faire à l'époque, et que très clairement la vidéo, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, ils l'ont dit un peu différemment peut-être, mais, et que la vidéo précisément échappait effectivement à tout ce contrôle, et aussi au contrôle des laboratoires eux-mêmes qui pouvaient être dans certains cas la succursale, ou plutôt le repère, un repère policier quoi. D'où l'intérêt du laboratoire de Cognac-Jay, où on arrivait clandestinement en perruque à récupérer nos films et les faire développer sans aucun contrôle. Ouais.